couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2, sur Fadjet.net et en DAB+. Et oui, nous sommes en 2023, bientôt 2024, la technologie évolue, le monde tourne, le monde attend avec impatience le réveillon de Noël et le Père Noël. Le Père Noël, en tout cas, il est là, que vous nous écoutiez samedi à 13h au dimanche à midi. Le Père Noël s'appelle Pierre, comme tous les week-ends depuis bientôt 4 ans. J'ai une hotte de cadeaux et ces cadeaux, c'est la découverte d'artistes locaux et grands locaux. Il y en a pour tous les goûts, du rock, du rap, de l'électro, des textes en français, des textes en anglais. Vous le savez, je ne me refuse rien, je ne vous refuse rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui nous vient de loin. Il nous vient de terres désœuvrées, de terres esselées, de terres que je ne connais que trop bien. Quand je vais dans cette ville, ça me fout des frissons, c'est Lunéville. Et ça, je tiens à le dire, même si je vous embrasse, mes chers amis lunévillois, mais j'ai encore des traumatismes, ça commence bien. Je plaisante, évidemment, on embrasse tous les gens de Lunéville, de Moncel-les-Lunéville, de Chanteux, de tous ces coins là-haut. Et nous sommes avec... celui qui nous vient finalement du Nord-Est, c'est Marwan au Nord-Est. Salut Marwan, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Pas trop traumatisé de venir de Lunéville ? Bah non, parce que c'est bon, ça fait un an que j'ai déménagé à Nancy, donc c'est bon, le traumatisme est passé. Ça y est. Évidemment, je pense que tu as compris que je plaisante dans ce que je suis pas sûr. Je dis. Tu es pas sûr, il y a toujours un fond de vérité à la plaisanterie. Non mais évidemment, tu viens nous présenter en tout premier lieu ton projet, ton identité, ton univers, ton parcours d'un étudiant modèle au cadre dynamique, au musicien qui se tient devant moi aujourd'hui. Ouais, alors je vais te présenter ça en essayant de ne pas être trop long parce que c'est beaucoup de choses. On n'a que 30 minutes, hein, c'est long. Hein. Et surtout, ouais. On a, et ça, chers auditeurs, on a la chance parce que c'est pas tout le temps. On aura le droit à des exclus de live acoustique, oui, de morceaux qui ne sont pas encore enregistrés, ouais, qui ne sont pas encore sortis. Ouais. Et puis ton single, Incurable, qui est sorti le 6 octobre 2023 et qu'on écoutera. Ouais, c'est ça. Donc dis-moi, qui es-tu, mon cher ami ? Alors, qui je suis ? Eh ben, j'appelle Marwan Nord-Est. Marwan, c'est mon prénom. je pensais que c'était Nord-Est. Finalement. Quoi ? Et ouais, du coup, j'ai grandi... Je suis né en région parisienne, mais j'ai grandi à Lunéville. Je suis arrivé là-bas avec mes parents quand j'avais 8-9 ans. Donc j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée là-bas. Et du coup, ouais, j'ai toujours été vraiment le bon élève, l'élève studieux, l'élève scolaire. Même après, dans mes études, ça s'est poursuivi un peu comme ça. Tu vois, j'avais le beau parcours académique qui plaît bien aux parents. Et même après, le job qui plaît bien à tout le monde, etc. Donc ça, j'ai eu un peu ce parcours assez linéaire, et puis en parallèle, du coup, dès mes 9-10 ans, j'ai eu ce coup de foudre pour le guitare et les guitares et le rock. Mon père écoutait pas mal de rock, mais c'est pas forcément ces influences que j'ai reprises, à part YouTube peut-être, c'est un peu le seul truc qu'il écoutait beaucoup qui m'a influencé, mais lui était beaucoup plus dans tout ce qui était Neil Young, Dire Straits, les Rolling Stones, ces choses-là. Mais moi, en fait, je suis tombé un peu dans la musique avec le clip là, de Welcome to My Life de Simple Plan. Je sais pas si tu connais, où ils sont sur un pont, ils bloquent un pont. Et oui. Genre, voilà. Simple Plan, ouais, très connu. Ouais, un groupe canadien, québécois de pop punk. Mm-hmm. Et du coup, j'ai vu ce clip et je me suis pris une claque à 9 ans. Enfin, j'ai trouvé ça, je sais pas, avec le côté épique. Ils sont un groupe avec les guitares, la batterie, ils bloquent le pont et en fait, tout le monde sort de sa voiture en colère, en mode on va affronter notre destin. Et je sais pas, il se passait un truc qui a développé pour moi une fascination un peu pour tout ce côté live, le côté rock, le côté être sur scène. Et après, il y a eu l'arrivée de Deezer quelques temps après. Moi, j'ai découvert du coup plein de groupes de rock indé, rock alternatif, comme du coup les Strokes, un de mes coups de foudre depuis toujours, Blink-182, tous les groupes de punk rock américain, pop punk américain, rock alternatif, anglo-saxon, les Killers, Interpol, Bloc Party, du coup, qui m'influencent du coup pas mal aujourd'hui, Radiohead, toutes ces choses-là. Et du coup, bah, j'ai vraiment commencé cette fascination pour le live. Je me rappelle, je regardais des vidéos sur YouTube de live des Strokes à Reading, à Glastonbury pendant des heures. Et du coup, c'est ce qui m'a fait un peu commencer la guitare. À la base, je voulais faire de la basse parce que j'avais une fascination de ouf pour le bassiste des Strokes, que je trouvais un charisme de dingue. Et quand je suis au magasin de musique à Nancy, justement, ils m'ont dit « Ouais, mais ce serait mieux de commencer par de la guitare. Du coup, bah, moi, j'ai suivi à 11 ans leur recours, donc j'ai commencé la guitare classique. Que peut-on finalement... dire à 11 ans, finalement? Ouais, donc finalement, j'ai commencé la guitare et puis très vite, du coup, j'ai eu envie d'avoir des groupes, etc. Donc au collège, j'ai essayé d'avoir des groupes, j'ai commencé à écrire quelques morceaux. Ça s'est pas trop concrétisé, mais finalement, au lycée, j'ai eu un premier groupe, entre guillemets, un peu sérieux de punk rock. Pop punk rock avec deux amis que j'ai rencontrés comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai fait mes premiers morceaux, mes premiers lives. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu cette vie musicale à côté de cette vie un peu, du coup, on va dire, très linéaire, très académique. Et puis, en fait, j'ai fait mes premiers concerts, on a fait nos premiers morceaux, c'était trop cool. Et puis après, j'ai suivi la voie des études un peu de manière très docile. Et puis du coup, je me suis complètement éloigné de la musique. C'est-à-dire que c'était plus du tout une ambition que j'avais, parce que je me disais, bah, si t'as pas réussi avant 18 ans, c'est que a priori c'est pas pour toi. Enfin, ouais, j'en étais quand même là. Hein. C'est-à-dire que oui, ça ne veut rien dire. Ouais, ouais. Mais c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Moi, je venais d'une famille quand même où il y a pas du tout de musicien, pas du tout d'artiste. Donc voilà, c'est les études d'abord. Et donc voilà, ouais, donc j'ai fait un peu de guitare, un peu de chant, mais vraiment pour le plaisir. J'ai commencé le chant en prépa en scred, en discret. J'assumais pas du tout parce que, en fait. En scred ouais, j'étais tout seul en fait, sans mes anciens acolytes de mon groupe. En fait, donc, je m'embêtais pas mal à jouer la guitare tout seul quand j'ai eu un groupe. Donc le chant, c'est venu compléter ça. Puis je me suis découvert une passion pour ça, que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, des années à assumer auprès des gens. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être deux potes à moi qui savaient que je chantais. C'est pas facile, enfin c'est pas souvent facilement assumable. Ouais. Surtout quand on n'aime pas sa voix ou qu'on n'a pas trop confiance en soi. Bah t'as ça, puis après t'as le fait que je. Alors c'était un... ça va peut-être paraître un peu surprenant, mais je suis un mec d'origine maghrébine. Enfin, il y a un peu ce truc de. Le chant, c'est montrer une partie de sa sensibilité. Et moi, j'avais un peu l'imaginaire qu'on me renvoyait, puis que je voyais autour de moi, on montre pas trop ses sentiments. Et du coup, j'avais une énorme pudeur en fait par rapport au fait de chanter, qui était décuplée par rapport à ces éléments. Et donc en fait après j'ai fait mes études, j'étais très très carriériste, je voulais vraiment voilà, avoir un niveau de vie très confortable pour rendre aussi à mes parents ce qu'ils avaient fait pour moi, tous les sacrifices qu'ils avaient fait pour moi pour mes études. Et en fait après il y a eu le Covid, en gros. C'est-à-dire que moi, c'est un peu comme beaucoup de gens, j'ai commencé mon CDI en plein pendant le Covid, et là ça s'est pas très bien passé avec mon premier emploi, et ça s'est pas très bien passé pendant le premier confinement, j'étais pas très heureux, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une grosse pause en fait. C'est qu'à l'époque, j'ai été mis au chômage partiel. En gros, pour ceux qui ont vécu ça pendant le confinement, c'est vraiment du temps illimité pour vous, pour le coup. Et moi, c'est un peu une chance que j'ai eue, c'est d'avoir été mis au chômage partiel pendant le confinement. Et là, du coup, j'ai eu un temps illimité pour refaire plein de choses que j'avais plus le temps de faire pendant mes études, genre lire des bouquins, regarder des critiques d'albums, ce que j'aimais bien faire, écrire de la musique, jouer de la guitare pendant des heures, vraiment m'éveiller. Et puis du coup, comment je me suis remis à l'écriture, c'est en fait, je suis tombé sur une critique de l'album de Lana Del Rey qui est sorti à cette époque, qui s'appelle Norman Fucking Rockwell. J'ai vu genre 9,4 sur 10 qui avait été mis par Pitchfork. Et ça a attiré mon attention, je me suis dit tiens, parce que moi, Adelaide, pour moi, c'était juste video games et voilà, les tubes qu'elle avait sorti à l'époque, mais je m'étais pas forcément intéressé plus que ça à elle. Et puis j'ai lu la critique, je suis allé écouter l'album, j'ai regardé les paroles, j'ai pris une claque, je trouvais cet album magnifique, c'est un de mes albums préférés, et ça m'a remis dans l'écriture en fait, ça m'a donné, ça m'a réactivé cette flamme en fait de, ouais, de m'exprimer, de mettre à plat mes émotions. Et du coup, j'ai commencé à écrire une chanson comme ça, deux chansons, poser une guitare dessus. Et puis en fait, ça a été vraiment le début de Marron de Nord-Est. Ça a été vraiment le tout début de ce projet solo que j'ai commencé à lancer. Donc à l'époque, je m'appelais pas du tout Marron de Nord-Est. J'avais pas du tout d'ambition de le professionnaliser ou quoi. Mais c'est là que j'ai repris vraiment l'écriture de morceaux après l'avoir laissé le stylo de côté, genre pendant 7-8 ans depuis le lycée, quoi. Donc voilà, pour la première étape. C'est une bien belle histoire. Ouais. Et ça nous montre quand même. Alors après, tu as arrêté. Non, t'as toujours ton boulot ou tu as arrêté pour te concentrer à 100%? Ah ouais, non, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir. Je me dédie à 100% à mon projet depuis juin, ouais. D'accord. Donc du coup, finalement, c'est un peu une leçon de vie aussi pour nos auditeurs, une leçon de vie positive que lorsqu'on se sent enfermé dans des carcans qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir, eh bien, sachez que cela n'est pas incurable, qu'on peut totalement passer à autre chose. Et la musique, eh bien, c'est quelque chose qu'on aime. Et parfois, parfois on, on n'arrive pas à aimer d'autres choses, où c'est un peu compliqué, et c'est là où on est un peu incurable aussi. Je sais pas de quoi tu parles. T'as vu, j'ai fait deux belles transitions. C'est le titre de ton single, ouais. Et si je m'en réfère à ton dossier de presse que j'ai juste à côté de moi, il y a cette question: mon amour pour le célibat est-il problématique? C'était une belle question. Ouais, ouais, je trouve que cette question courte résume bien la tension et toute la dualité de la chanson, dans le sens où depuis que je suis ado, fin de mon adolescence, on va dire, depuis qu'on va dire je suis un adulte, parce qu'en fait, bon, j'ai déjà été en couple quand j'étais ado, tu vois, mais c'était pas des relations sérieuses qui ont duré longtemps, comme j'ai beaucoup d'amis autour de moi à mon âge qui ont eu des relations de 2-3 ans, et finalement, j'ai l'impression d'être un des rares à pas avoir eu de relations très sérieuses. Et du coup, moi en vrai, j'ai 27 ans et je me suis toujours bien senti célibataire, seul. J'ai jamais ressenti vraiment le besoin de partager une intimité très profonde avec quelqu'un, d'être une équipe à deux. Et bon, j'ai la chance d'avoir plein d'amis très proches qui me soutiennent, donc est-ce que c'est à cause de ça, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec ce confort dans mon célibat, dans le fait d'être seul, quoi, de faire ma vie seule. Et en même temps, je voyais plein de gens autour de moi, mes amis être en couple en 2-3 ans, tomber amoureux. Et puis il y a ça, puis il y a aussi en fait les livres, les films, les séries télé. Enfin, on est envahi, mais d'ailleurs, que ce soit des grosses productions commerciales ou bien des petits films indés, il y a toujours la romance qui va bien, le sentiment, les personnages qui se portent un amour flamboyant comme ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je crois que j'ai jamais ressenti. En fait, je me suis posé la question. Et du coup, ça m'a fait me sentir parfois, même souvent, pas forcément bien, parce que tu te dis, est-ce que je suis pas attirant? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop en contrôle sur ma vie? Enfin, plein de questions comme ça. Et du coup, c'est une des chansons, c'est une des premières chansons que j'ai écrites justement pendant cette période de confinement. Quand je me suis dit, ok, maintenant dans ce nouveau projet qui est le mien, dans lequel je suis solo, j'ai envie de parler de moi, donc ça m'a demandé beaucoup de courage, mais il n'y avait que comme ça que j'arrivais à produire quelque chose que je trouvais intéressant. C'était vraiment d'aller chercher très au fond de moi, et c'est aussi pour ça que ça m'a mis beaucoup de temps pour parler de ce projet, même à mes proches, parce qu'en fait, j'écrivais des trucs tellement intimes que... Enfin, là, tu vois, je t'en parle comme ça, mais il y a encore un an et demi, j'en parlais même pas comme ça à certains potes, quoi. C'était un cercle très très fermé de personnes à qui j'osais raconter ce que sont mes chansons... Là, je peux te dire que ce cercle est très ouvert, puisque nous sommes, alors sans évidemment un mauvais jeu de mots, puisque nous sommes sur Fadjet dans Couleur Locale à Nancy 94.2, sur Fadjet.net et en DAB+, on est avec Marwan au Nord-Est. On va écouter dans quelques instants Incurable, son premier single clippé sur YouTube. Tu es également sur Instagram, sur Facebook, on te suit, puisque si on ne te suit pas, ça veut dire que je ne sers à rien sur Fadjet dans Couleur Locale. Incurable, mon amour pour le célibat est-il problématique, et un cri du cœur. Une confession de la romance à l'aromantisme. Oui, bravo. C'est beau, hein. On fait des petits jeux de mots. Et puis, on écoutera juste après cette musique-là. On prendra quelques secondes pour continuer à parler. Et puis, je te proposerai d'enchaîner directement sur un live nous permettra d'aller par-delà les frontières. Mais tout de suite, on écoute Incurable. C'est Marwan au Nord-Est. Vous êtes sur Fadjet dans Couleur Locale. Vous y êtes bien. Restez-y. Le dimanche matin, j'aime pas quand tu commences à rêver le soir sur mon torse, quand ta flamme s'amorce, car je crois qu'il y a rien de combustible en moi, des étincelles, même quand j'essaie de voir qu'elle plus en toi, ça reste artificiel. Le temps passe, tes podcasts se retournent toujours à la case départ. Le temps passe, nombre de tes potes se dédouble en un couple. T'as 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus de temps. Est-ce que c'est moi qui sais pas aimer, m'engager, partager mon plan de bac à sable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis malade? T'as un virus qui rend un homme incurable. Savoir est-ce que je suis normal, oh, oh, oh, oh. j'aime pas dépendre de toi, te rendre des comptes quand je sens que j'ai pas le droit. J'aime pas quand tu dépends de moi, que tu vas faire une connerie si j'en fais une moi aussi. J'crois qu'on a mes filles uniques comme divergentes. La case départ, le temps passe, ton de tes potes se dédouble. En un couple, t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus le temps. Est-ce que c'est moi qui sais pas aimer, m'engager, partager mon plan de bac à sable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis malade? T'as un virus qui rend un homme incurable. Partager mon coin de bac à sable. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis malade d'un virus qui rend un homme incurable? J'ai même pas massé comme un truc indiscernable. Et je veux savoir, est-ce que je suis normal? Oh, oh, oh. Est-ce que c'est moi qui sais pas aimer, m'engager, partager mon coin de bac à sable? Marwan Honorest est le titre incurable, dispo en single sur YouTube, tu es également sur Facebook et sur Instagram. Comment tu vas? Ça va toujours bien? Bah ouais, toujours bien, t'es très sympathique. Bah merci, toi aussi. Au 94.2, à Nancy, Fadjet.net, couleur locale, Anda Plus également. Si vous avez raté le début de l'émission, pas de panique, vous pourrez l'écouter sur Spotify for Podcaster, Pierre Martial, Radio Fadjet. De toute façon, je vous inviterai à le faire. Et puis maintenant, on va écouter un titre qui s'intitule Frontières, oui. Qui est une compo qui va sortir éventuellement un jour. Bah, c'est le but, ouais. Le but, ce serait pas mal. Bah, je te laisse nous faire rêver. Avec plaisir. Et quand je mets un pied devant l'autre, il me regarde. Et quand j'hésite sur ce pull rose, il me regarde. Et si je veux traîner solo, je les regarde. Et si je veux changer de boulot, je les regarde. J'ai les épaules qui ont le trac. Pourtant, y a pas de spectacle. J'ai plus que les yeux qui osent hocher de droite à gauche. Et tant de portes à ouvrir, et tant de médailles à brandir, et tant de souvenirs à vivre, et tant de choses que j'hésite à dire, et tant de joies que je mets en péril pour des démons si volatiles. Tant de pays en moi à découvrir, et tant de frontières à démolir. Oh, oh. Et en soirée déguisée, il me regarde. Et au développé couché, il me regarde. Et si je préfère lire un livre, je les regarde. Je crois que leurs sourcils s'élèvent, je les regarde. J'ai pas la peau imperméable. Je vais citer face aux rafales. Et même quand je fais rien d'anormal, c'est comme si je passais au tribunal. Et tant de portes à ouvrir, et tant de médailles à brandir, et tant de souvenirs à vivre, et tant de choses que j'hésite à dire, et tant de joies que je mets en péril pour des démons si volatiles, tant de pays en moi à découvrir, et tant de frontières à démolir. Ah, ah, ah, ah, ah, oh. Pas cet homme piégé en moi, piégé en moi. J'ai encore perdu un battement de cœur au combat, au combat, au combat, au combat, au combat. À ouvrir, et tant de médailles à brandir, et tant de souvenirs à vivre, et tant de choses que j'hésite à dire, et tant de joies que je mets en péril pour des démons si volatiles, tant de pays en moi à découvrir, et tant de frontières à démolir. Oh, oh. Eh bien, quel sacré moment, Marois dans le reste, avec le titre Frontières. Alors, est-ce que ça va être un album, tout ça, quelque chose formalisé de cette façon-là? Alors, ce sera pas un album. Ce sera d'abord, je pense, une des prochaines sorties. Donc, un prochain single. Qui vont déboucher sur un EP. Donc, j'ai pas encore déterminé. Donc, un EP pour l'instant. Ouais, un EP plutôt à moyen terme, je dirais. Un album, ce serait plutôt vraiment plus sur le long terme, avec vraiment une direction artistique encore plus aboutie, plus définie. Là, l'idée, c'est quand même plus de, voilà, de tester encore des choses un peu nouvelles dans la DA que j'ai définie pour l'instant. Alors, sur Incurable, t'es pas tout seul? Il y a des gens avec toi. Sur Incurable, je passe en studio avec un ingé son avec lequel on a co-arrangé le titre. Mais du coup, en soi, oui, je suis tout seul. Et là, tu seras tout seul aussi. Self-made man. L'idée, c'est de passer aussi en studio avec un ingé son qui m'aide à co-réaliser les titres. Co-arranger les titres, mais oui, j'aurai pas de. Donc, t'enregistres tout, production, tout. Ouais, avec un ingé son, ouais. Avec un ingé son. Ouais. Ah là là là là là là. Voilà. Ça, c'est des frontières que tu as dépassées également, j'imagine. Bah, que j'essaie de dépasser, ouais. Que t'essayes de dépasser. Ouais, ouais, ouais. Tu embrasses fils d'immigré, tu disais, algérien. Ouais. Et tu embrasses ta carrière musicale au-delà des barrières que tu pensais être des barrières. Exactement, aussi. Bah oui, c'est vrai. Parce que peu importe les origines et le milieu social, familial, on peut toujours faire ce qu'on veut. Ouais. C'est ça. Enfin, si on s'en donne les moyens. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça nous amène à la deuxième partie de ton histoire post-covidienne, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a été. Enfin, le Covid, ça a été vraiment. Ce premier mois de confinement, ça a été une rupture dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un après. C'est-à-dire qu'avant ma vie, j'envisageais, voilà. La carrière. La musique, là. C'est un jour peut-être, si jamais. Mais c'est ma carrière à quoi je me dédie aujourd'hui. Et puis, en deux mois, ça a été OK, ma carrière. On verra, mais la musique, c'est un truc, voilà, c'est ce rêve, je viens de m'y reconnecter, c'est ouf ce que ça me fait, et je me suis reconnecté à toute mon enfance, toute mon adolescence, et du coup, ça m'a complètement fait changer d'état d'esprit. Au point que même après mon premier travail, où ça se passait pas très bien, j'ai même failli faire la MAI, donc prendre un an pour ça, et je me suis dit après... Tu l'as pas fait. Non, j'ai choisi de pas le faire finalement. Du coup, j'ai pris un autre emploi qui me laissait plus un de temps. Un peu plus confortable en temps. Un peu plus flexible en temps, ouais. Et du coup, j'ai commencé progressivement du coup, à parler de mon projet, c'est-à-dire à dire aux gens que je faisais de la musique, que je chantais et tout, que j'écrivais mes morceaux Donc elle a assumé en public, une sorte de coming out musical comme ça, ce qui était déjà très très dur pour moi. Donc j'ai créé un compte Instagram où j'ai commencé à mettre quelques covers, voilà, etc. Voilà, ce qu'il faut faire de toute façon. Voilà, c'est ça. Après, du coup, mes amis étaient à fond et ils m'ont dit « mais vas-y, bon, les covers c'est bien, mais maintenant on va entendre tes chansons. » Parce que bon, j'avais quelques potes à qui j'avais envoyé quelques maquettes guitare-voix, dont Incurable, et Incurable... Ils aimaient beaucoup, donc c'était cool. Et en fait, donc ils m'ont payé un bon pour une séance en studio. Ah, sympa ça. Ouais, et du coup, j'ai appelé ce studio qui était un studio pro, et je leur avais envoyé toute une maquette, et eux, ils avaient aussi bien aimé Incurable. Donc je me suis dit, bon bah, allez, faisons Incurable, même si de base, c'est pas forcément celle que je voulais enregistrer en premier. Et donc en fait, finalement, en fait, je suis passé en studio, mais un peu par hasard presque. En fait, c'est... À ce moment-là, j'étais pas du tout sûr de vouloir en faire une carrière ou quoi. Enfin, c'était un peu un rêve, mais je pense que j'assumais pas tout court que j'avais vraiment envie de le faire. Et donc, je suis repassé en studio, c'était début 2022, ça fait un bout de temps. Et après, pareil, mes potes me disent, mais vas-y, mais fais un clip et tout, ça pourrait être trop cool. Et pareil, moi, c'était un truc que je me serais jamais autorisé avant. Et du coup, La suite logique, quoi. Ouais, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut être un projet artistique complet. Donc, j'avais un pote de pote qui était réal, qui m'a fait un prix pas trop cher, donc on a bossé ensemble. Et puis après, du coup, j'avais prévu de sortir ça fin d'année dernière. Après, malheureusement, j'ai pas mal de problèmes familiaux, ce qui a fait que j'ai mis mon projet en pause pendant 8-9 mois. Et ce qui a fait que j'ai repris tout le travail sur la DA, la sortie de ce premier single, en fait. Et même moi, en fait, je me suis dit, ok, non, c'est vraiment un truc auquel je vais dédier du temps. C'est un projet sérieux sur lequel je vais pas avoir de regrets. Donc, en fait, vraiment, cette année 2023, ça a été l'année où voilà, je me suis mis en ordre de marche pour me donner tous les moyens possibles, apprendre plein de choses. Et ça m'a mené, du coup, à... Voilà, monter ma DA image, travailler tout mon plan de sortie, mes relations presse, voilà, un peu découvrir un petit peu comme ça le travail d'un artiste entrepreneur. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai sorti mon premier titre ces derniers mois et tout. Et tu es là avec nous. Voilà. Depuis une demi-heure. Waouh. Ça passe, ça passe vite, hein. Marouane, au nord-est et pas au grand est, c'est ce que j'avais noté au début. Oui, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense que bon, on peut faire l'erreur parce qu'on a un grand est, on s'en fout. Je digresse, tiens, pour faire une rime. On a envie de te voir sur scène, est-ce que c'est une éventualité? Ouais, bah, je suis déjà passé sur scène plusieurs fois cette année à l'occasion d'Open Mic. Et sinon, j'ai fait un premier concert solo privé pour une association, c'était en juillet. Et j'ai fait mon premier co-plateau, donc un concert avec d'autres artistes qui m'ont invité avec eux à Paris, c'était il y a le 9 novembre. Donc ouais, moi j'ai envie de faire de plus en plus de scènes. J'essaie de trouver l'équipe avec le travail de studio, de pré-production, qui sont deux travaux. Donc là, est-ce qu'on a des dates Alors là, pour l'instant, j'ai pas de date prévue. Mon focus, ça va plutôt être la pré-production, préparation de passage en studio. Mais du coup, voilà, si j'ai l'occasion de faire des scènes ouvertes ou des trucs comme ça, je mettrai. Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite et de toute façon, on partagera les liens. Merci à toi d'avoir participé à cette édition de Couleur Locale. Je rappelle les samedis, 13h, les dimanches à midi, 94.1, Nancy Fudget.net et en DAB+, le podcast. Dimanche à 18h sur Spotify, Fort Podcaster. Vous aurez tous les liens sur mon Facebook, Fadjet-du-6, Couleur Locale, évidemment, ensuite les réseaux, Facebook, Instagram et YouTube. Mais on n'est pas des sauvages, on ne va pas se laisser comme ça. Nous sommes en décembre, il fait froid. Et pourtant, même s'il y a de la brume, des nuages, même s'il y a de la neige, on l'espère, vous le savez, le soleil est toujours là, derrière. Et c'est le titre de la chanson qui s'appelle Le Soleil. Est-ce qu'on y va? Eh ben, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et on se laisse sur ça, chers auditeurs. Joyeux Noël et on se voit le week-end prochain. Marouane au nord-est, le soleil. Le soleil s'enrhumait dans l'hiver. Le brouillard avalait la lumière. Les yeux cherchant l'espoir dans le ciel. Le vent glacé dehors me réveille. Le silence de la nuit, le désert. La solitude des lampadaires. Le soleil se vantait, il brûlait. On se presse, il faut baisser les volets. manger sa glace avant. Quelle fatigue, le cogico, le soleil se défile, contempler chaque journée qui s'achève, la lune prenant doucement la relève. Vivre et puis grandir, dire au revoir, travailler mais dans les règles de l'art. Mais le soleil pour lui c'est toujours pareil, pas de surprise et pas de mauvais espoir. Avoir comme seule et simple mission de briller, mais quelle source d'inspiration cette sphère. Briller toujours et même dans le noir, briller plus fort que tout l'univers.